Chapitre 12e. C'était sous le coup du désespoir que cette idée de fuite avait jailli dans la tête de Marthe. Elle s'était présentée tout d'abord indécise et vague, mais la réflexion lui donna une forme, et ce qui n'avait été qu'une lueur fugitive devint bien vite une lumière fixe qui éclaira son esprit. Oui, elle devait fuir. Elle le devait pour échapper à la présence de Sainte Ostroberte, dont les paroles et les regards la blessaient dans ses sentiments les plus délicats. Elle le devait encore par respect pour son amour. Que penserait Philippe? Que souffrirait-il, séparé d'elle, lorsqu'il la saurait exposée aux entreprises de son rival? Elle ne pouvait pas lui imposer une pareille douleur. Partie de ce point, elle alla vite sur ce chemin, et ce fut seulement lorsqu'elle fut arrivée au bout qu'elle revint en arrière, ramenée par la loi naturelle de la réaction. Fuir, c'était bien pour elle et pour Philippe, mais pour son père. Alors un terrible combat se livra en elle. D'un côté, l'horreur que lui inspirait Sainte Ostroberte et son amour pour Philippe la poussaient à fuir. D'un autre, sa tendresse pour son père et le respect du monde la retenaient. Hésitante, irrésolue, elle alla ainsi d'une idée à l'autre, décidée un moment à partir, décidée la minute d'après à rester, passant par les plus cruelles alternatives, car les raisons pour l'un comme pour l'autre parti étaient successivement toutes puissantes dans son cœur. Quel coup pour son père, si le lendemain elle n'était pas là pour l'embrasser. Quelle douleur pour Philippe, s'il était obligé de rester loin d'elle, livré aux inquiétudes et aux tortures de la jalousie. Quelle honte pour elle, quel supplice, si elle devait être exposée chaque jour aux hommages de M. de Saint-Ostroberte. Concilier toutes ces difficultés d'une situation arrivée à une phase décisive était impossible. Il fallait les trancher, mais comment et dans quel sens? Elle avait dans sa chambre un portrait de sa mère. Ce portrait, œuvre assez médiocre d'un peintre de Bordeaux, avait autrefois occupé la place d'honneur dans le salon. Mais lors du second mariage de M. Denis, il avait dû abandonner cette place. Mme Denis avait fait remarquer à son mari que cette peinture était trop mauvaise pour rester exposée au regard des étrangers, qu'elle prêtait à la critique et donnait une triste idée du goût de ses propriétaires. Si bien que le portrait avait été décroché et porté dans la chambre de Marthe qu'il avait demandé. Elle n'avait pas souci du mérite ou des défauts de la peinture. Elle ne s'inquiétait pas de savoir si la pose était mauvaise ou l'exécution grossière. Ce n'était pas une toile, recouverte bien ou mal de couleurs qu'elle avait devant les yeux. C'était sa mère, vraiment sa mère, qu'elle n'avait pas connue. Tout le monde sait que bien souvent la vie dans un tableau est indépendante de la question d'art. C'est ce qui était arrivé pour le portrait de la mère de Marthe. Le peintre, tout en faisant un tableau détestable, avait su prendre la vie dans son modèle et la transporter sur la toile. Le portrait vivait, parlait, regardait. Au moins, c'était l'impression qu'il produisait sur Marthe. Et bien souvent, dans ses heures de chagrin, elle venait s'entretenir avec sa mère dans ce langage mystérieux du sentiment qui n'a pas besoin de l'aide de la parole matérielle pour être éloquent. Le portrait ne remuait point les lèvres ou ne clignait point de l'œil, comme ces madones miraculeuses de la superstition catholique, et cependant, Marthe comprenait les longs discours qu'il lui adressait, ses conseils comme ses reproches. Dans la cruelle angoisse où elle se trouvait, c'était à lui de l'inspirer, de la diriger. Marthe était sans lampe dans sa chambre, mais la lune, qui se levait au-dessus des peupliers de la Gironde, entrait par les fenêtres ouvertes et frappant en plein le portrait, l'éclairait de sa blanche lumière. Le visage pâle se détachait dans l'ombre et sortait pour ainsi dire de la toile. Longtemps elle resta en contemplation devant lui, mais elle ne put pas en obtenir une réponse précise dans un sens ou dans un autre. Ce qu'il lui disait, c'était ce qu'elle s'était dit elle-même. « Reste pour ton père. Pour ton amour, pars. » Cependant, il souriait toujours, et quelle que fût sa réponse, il la regardait toujours de ses yeux doux. Convaincue à la longue qu'elle ne pourrait pas fixer sa résolution par ce moyen, elle eut l'idée de la demander au hasard. Car elle était arrivée à cet état d'inquiétude et de doute où la raison nous échappe et laisse la place libre au merveilleux et au surnaturel. Par les fenêtres, elle voyait au-dessus des arbres des lumières courir sur la Gironde, c'était l'heure de la marée, et les vapeurs venant de la mer profitaient du flot pour remonter à Bordeaux. À leurs mailles, à leurs tambours, ils portaient des fanaux allumés qui sillonnaient la nuit de leurs lueurs rouges et vertes. Marthe se mit à sa fenêtre et, s'accoudant sur le balcon, elle se dit que si les vapeurs qui passeraient devant elle dans l'espace d'un quart d'heure étaient en nombre pair, elle partirait, que si au contraire ils étaient en nombre impair, elle resterait. Les trois quarts de 9 heures sonnèrent à l'horloge du château. et elle se mit à sonder de l'œil les profondeurs bleuâtres de la nuit. Puis, pour bien préciser et ne rien laisser à l'incertitude, elle se dit que ce ne seraient pas tous les navires dont elle pouvait apercevoir les feux qui compteraient, mais ceux-là seulement qui, au premier coup de 10 heures, auraient passé devant un grand peuplier qui, en face d'elle et près du fleuve, dressait sa colonne noire sur le ciel pâle. Deux vapeurs passèrent, balançant leur lumière, puis elle ne vit plus rien, et les minutes, les unes après les autres, s'écoulèrent sans qu'aucun navire parût. Deux, elle en resterait donc. Mais le quart n'était pas encore écoulé, et dans l'obscurité elle vit surgir plusieurs points lumineux, qui grandirent rapidement. Combien étaient-ils ? 2, 3, 4. 2 et 4 faisaient 6, elle devait donc rester. Passerait-il devant le peuplier avant le coup de 10 heures ? Ces lumières, qui tout d'abord lui avaient paru marcher sur une même ligne, étaient en réalité séparées par des distances inégales. L'un des vapeurs passa derrière le peuplier, puis un second passa encore. Cela faisait 4, et l'heure allait sonner. Les deux derniers se tenaient et s'avançaient comme s'ils avaient été attachés l'un à l'autre. Leurs fanaux grandissaient, ils arrivaient. Mais avant de se masquer derrière le peuplier, la séparation se fit, car il y avait entre eux une différence de marche, et ce qui avait paru les attacher, c'était que le meilleur marcheur, arrivant sur le plus mauvais, avait mis un certain temps à le dépasser. Combien ce temps rapide, cependant, avait été long et cruel pour Marthe. Le marteau de l'horloge se leva. Le premier vapeur passa derrière le peuplier pendant que l'heure sonnait. Quand les 10 coups furent frappés, le second arrivait à peine à l'arbre. 4 et 1 faisaient 5, le nombre était impair, elle devait partir, c'était le sort qu'il avait décidé. Alors il éprouva une sorte de calme et de soulagement, comme il arrive toujours lorsqu'on n'a plus l'angoisse de l'irrésolution ou de l'incertitude. Décidée à partir, elle n'avait pas examiné la question de savoir où elle irait, mais elle ne s'arrêta pas longtemps à cette difficulté, elle n'avait qu'un parent, qu'un ami, son grand-père à Zimbert. Elle irait chez lui, et bien certainement, quand elle lui aurait expliqué sa position, il l'accueillerait et la défendrait. Ainsi fixée sur son départ et sur son lieu de refuge, elle se disposa à partir, car le matin ne devait pas la trouver au château, et c'était dans la nuit même qu'elle le quitterait. Elle alluma une bougie, et sa première pensée fut d'écrire à son père, car elle ne pouvait pas se séparer de lui ainsi, sans lui dire qu'elle partait et pourquoi elle partait. Mais au moment où elle ouvrait son buvard, on frappa à la porte de sa chambre. « C'est moi, » dit la voix de Madame Denis. « Comment êtes-vous ? » Marthe alla à la porte. « Je ne suis pas malade, je vous remercie. »« Alors couchez-vous, ma chère enfant, et espérez tout du temps. » Et Madame Denis s'éloigna, mais Marthe courut après elle. « Dites à papa que je l'embrasse, je vous prie, que je l'embrasse de tout cœur. Soyez tranquille. » Rentrée dans sa chambre et sa porte fermée au verrou, elle se mit à écrire. La résolution que je prends, mon cher papa, m'est bien cruelle et je suis désolé du chagrin que je vais te causer. Mais il m'est impossible de voir monsieur de Saint-Austrebert et de subir la honte de ses hommages. C'est lui que je fuis. Ce n'est pas cette maison où jusqu'à ce jour j'avais été si heureuse auprès de toi. J'ai dit à monsieur de Saint-Austrebert que je ne pouvais pas être sa femme. Il n'a pas voulu m'écouter. Je t'ai dit que je ne pourrais jamais l'aimer. Tu n'as pas voulu me croire. Je me sens incapable de supporter sa présence, je me mets à l'abri de ses poursuites. Il comprendra alors, il faut l'espérer, qu'il ne sera jamais mon mari, et il aura sans doute la fierté de renoncer à une femme qui ne veut pas de lui. Ce jour-là, je reviendrai près de toi, et peut-être ma tendresse me sera-t-il possible de te faire oublier ma faute. Tu comprends que je ne peux pas te dire où je me retire, mais je vais au moins te donner l'assurance que là où je vais, je ne verrai pas celui qui t'a irrité. Adieu, mon cher père, permets-moi de t'embrasser, et si grande que soit ta juste colère, ne ferme pas ton cœur pour jamais à ta fille qui t'aime, Marthe. Cette lettre, écrite et mise sous enveloppe, elle resta un moment accablée par ses souvenirs de tendresse et épouvantée aussi devant l'inconnu qui s'ouvrait pour elle. Mais bientôt elle reprit sa résolution et l'écrivit à Philippe, qui lui aussi devait être prévenu de sa fuite. Mon père sait que vous m'aimez, que je vous aime. C'est vous dire sa colère. Il a décidé qu'il ne vous verrait plus, et que moi je devais voir monsieur de Saint-Austrebert chaque jour. Je ne veux pas supporter ce supplice, et je ne veux pas que vous le subissiez. Je quitte cette maison pour me retirer chez mon grand-père à Gabas. Vous comprendrez, j'en suis certaine, que vous ne devez pas m'y venir voir. Si cruelle que soit notre séparation, nous devons l'un et l'autre la supporter, sans rien faire pour aggraver notre faute. Nous ne nous verrons point, mais nous nous aimerons. Je vous ai promis de n'accepter jamais monsieur de Saint-Austrebert et de n'être la femme de personne si je ne pouvais pas être la vôtre. Vous voyez que vous pouvez compter sur ma parole, comptez aussi sur ma tendresse, sur mon amour. Marthe de Nice. 11 heures sonnaient quand elle achevait d'écrire cette lettre. Elle se dit qu'elle partirait à minuit. Et alors elle s'habilla pour ce voyage qui durerait Dieu seul savait combien de temps. Elle choisit sa toilette la plus simple, celle qui devait la faire le moins remarquer. Puis elle prit ce qu'elle avait d'argent dans son tiroir, 400 ou 500 francs qui lui restaient de son mois. Elle prit aussi le médaillon de son père, qu'elle retira de son cadre de velours, pour pouvoir le serrer dans son carnet. Puis, tout étant disposé, elle souffla sa lumière et elle attendit. L'ombre parla douloureusement à son cœur et plus d'une fois, elle faillit abandonner sa résolution. Enfin, minuit sonna et lui rendit sa force. Avant que le 12e coup eût frappé, elle était sortie de sa chambre. Alors elle marcha doucement sur la pointe du pied, sans que sa robe de laine fît le moindre bruit. Arrivée devant le vestibule qui conduisait à la chambre de son père, elle s'arrêta comme si elle était retenue malgré elle. Il était là, il dormait, quel réveil pour lui. Une fois encore, elle hésita. Cependant, elle ne revint pas en arrière. Au contraire, elle se hâta vers l'escalier, qu'elle descendit presque en courant. Elle ne comptait pas sortir par la grande porte du vestibule, mais par une petite porte de derrière qui servait aux gens de la maison. En arrivant à cette porte, elle trouva qu'elle n'était pas fermée, mais seulement poussée contre le pêne. Qu'est-ce que cela voulait dire? Elle ne s'arrêta pas à chercher une explication, elle sortit et repoussa la porte. Elle était dans le jardin et maintenant, elle n'avait plus qu'à aller devant elle, à la garde de Dieu.